mon vélo rouillé, qu'avait les pneus un peu crevés. Un ballon de foot, un sac d'air, mon maillot vert de supporter. J'ai jeté toutes mes collègues et tous mes vrais mensonges avec ma bibliothèque rouge et or, les pirates de l'île au trésor. J'ai jeté un sac de billes en tête et les mots doux des filles en fête. Une peluche au nez cassé, un arc d'indien en noisetier. J'ai jeté un manche disque rouge qui dévorait tout ce qui bouge, une petite guitare en plastique, les rails d'un vieux train électrique. J'ai tout jeté. J'ai jeté Biff et ses gadgets, un théâtre de marionnettes, un jeu de quilles tout en bois où les clébards faisaient la loi. J'ai jeté des tonnes de dessins, crayons de couleur feutre et fusain, et des ronds de peinture à l'eau, toutes mes ébauches de tableaux. J'en ai jeté des tas de choses, des trucs et des machins tout roses. Dans la poubelle de mon enfance, il y a tous ces joujoux qui dansent. J'ai tout jeté, mais j'ai gardé le goût du jeu, l'envie de jouir là dans la vie, des milliards de rêves en feu pour éloigner la nostalgie. J'ai gardé un album d'images rangé en vrac dans ma mémoire. Et lorsque je tourne une page, c'est en couleur que je vois le noir. Puis j'ai gardé le rouge aux joues pour dire que de toi je suis fier et tout l'amour que je te voue. Petite mère.